Babylon crack. Et le crack, on fait nos fans sub ce combat. Face aux mes 68 et on dort et on pisse. Et on dort toujours triste et on dort dans la piste. Trop de bavures, ils misent sur des pavois. Certains bars font la boîte, tes enculés qui font pédale. Fumer, tout le monde va le feu, mais pas la fumée. Pas la fermer, tous ces poulains. On va tous griller, trop de bleu. Causé par ces uniformes bleus, des lésions irréversibles. Causé par ces enculés de bleu. Qui me censurent quand chinique la police. Faut que la justice, dans le rôle de mère protectrice. Combien des miens sont morts sans que justice rende justice. Sans qu'un de ses fils de pute, chute a fleuri la hune. Mandant, chute, fuck, chute, fils, chute, pute, chute. Rien à battre, j'écris ce que je vis. J'écris ce que je dis et je suis ce que je suis. Tous les flics de France qui tirent souvent dans tous les sens. Et tous ceux qui sont morts du bal de la police nationale. Qui tire souvent dans tous les sens. Et tous ceux qui sont morts d'une balle de la police nationale. On croque, mais eux se moquent, mes frères. Tu penses être propre, mais sont sales comme un fanatique de rock à Woodstock. Lock, stock, ma, peu importe, fuck, ma, clique, et c'est bouya. Je m'interpose, pose, pose de l'eau, dose, pose la dose de rage dans cette putain de prose. Des contrôles abusés en série. Trop de fausses notes tatouées sur mon corps, comme des crédits. Je n'aimerais jamais l'odeur du poulet aigri. Imagine le cri d'un poulet sans tête sur le tapis. Le tapé d'une keuf à quatre pattes. Le nombre de fois qu'on contrôle dans mon 4x4. On est tous prêts à militer, mais en vérité, on semble hésiter. Titiller, à se prendre une tannée. On préfère encaisser, quitte à se défourailler. Il faut profiter, ces enculés d'enfoirés. On foire comme des tarés, farés, égarés. On pense leur tenir tête vers leur fête. Une tête au carré, mais tant que j'aurai un beau aura. Aura vaincra celui qui utilisera son aura. Pour tous les flics de France qui tirent souvent dans tous les sens. Pour tous ceux qui sont morts d'une balle de la police nationale. Les flics de France qui tirent souvent dans tous les sens. Pour tous ceux qui sont morts d'une balle de la police nationale. Pour tous les flics de France qui tirent souvent dans tous les sens. Pour tous ceux qui sont morts d'une balle de la police nationale. Pour tous les flics de France qui tirent souvent dans tous les sens. Pour tous ceux qui sont morts d'une balle de la police nationale. Tous les flics de France qui tirent souvent dans tous les sens. Pour tous ceux qui sont morts d'une balle de la police nationale. Pour tous les flics de France qui tirent souvent dans tous les sens. Pour tous ceux qui sont morts d'une balle de la police nationale. Ça y est, on va le lâcher maintenant. Hein. Il a fait son temps. Hein. Ah, c'est bon, c'est bon. À l'avenir, il va pas parler avec nous. Je pense bien. On n'a pas de temps à perdre avec des petits comme ça. Non, là. Non, mais attends. Ils vont en boîte, ils vont s'amuser. Moi, je pense même qu'il faut lui faire 24 heures de plus. 24 heures de plus. 24 heures de plus. Mais on n'a pas de raison, tu vois. Laissons faire. On l'attend en tournant. Vas-y, va. Ouais, allez, ouais, c'est bon. On veut plus de part. Allez, fiche le camp. Sale bâtard.